Chapitre 5e. Rêveuse, Harmonie dégustait son petit déjeuner sur son balcon lorsque l'on toqua à la porte de sa suite. Elle se leva et alla ouvrir, espérant ardemment que ce fût Jérémy. Le baiser d'hier soir l'avait empêchée de dormir. Elle n'avait qu'une hâte, le revoir. Elle fut déçue lorsqu'elle vit que ce n'était que le steward. Il lui présenta une rose rouge avec un petit mot. Aussitôt la porte refermée, elle déchira l'enveloppe et lut avidement ce que Jérémy lui avait écrit. « Harmony, je voulais tellement vous voir aujourd'hui. J'espère que vous avez rêvé de moi, car je n'ai pu fermer l'œil de la nuit. Ronny, ce matin, voulait à tout prix visiter Tenerife. Je n'ai pas eu le cœur de lui refuser. Aurais-je osé vous demander de vous joindre à nous? Ne vous voyant pas apparaître à presque 11 heures, j'ai fait le choix de vous laisser vous reposer. » Me direz-vous ce soir si j'ai eu raison en dînant à ma table? J'ai remarqué que vous aviez apprécié la surprise d'être invité à la table du commandant. J'avais reçu son invitation sitôt à bord. Un chercheur aussi renommé que moi, rien de plus normal. Je lui ai juste demandé la faveur de venir accompagner. Je vous envoie cette rose pour me faire pardonner ma défection pour aujourd'hui. De tout cœur, je vous espère ce soir. Jérémy. Harmony regarda la rose et la porta à ses lèvres avec une certaine nostalgie. Que faisait-elle vraiment? Cet homme commençait à s'attacher à elle. N'était-il pas temps de lui dire qu'il ne devait pas? Franchement, elle ne savait pas elle-même où elle en était. Elle prit une douche bien fraîche, s'habilla d'un jean et d'un t-shirt, et décida de retourner à la poupe du navire, au calme. Sortant de sa suite, elle ne put réfréner sa curiosité. Elle alla jusqu'à la dernière cabine de la coursive, et avant même de réfléchir à son geste, frappa. L'homme maigre et voûté vint lui ouvrir, fronçant les sourcils. « Vous désirez ?»« J'ai dû me tromper de cabine. J'avais cru voir mon ami entrer ici hier. »« Effectivement, vous vous êtes trompé. » Et il lui referma la porte au nez. Celle-ci claqua, mais si violemment qu'elle ne se ferma pas complètement. Harmony resta un instant clouée sur place par tant d'impolitesse, mais au travers de la porte entendit l'homme vociférer. « Alors comme ça, tu es restée dans la cabine toute la journée, hein, menteuse? Où es-tu allée? Et combien de temps ?» Une voix féminine répondit. « Juste 10 minutes, je t'assure. Nous sommes allés chercher une glace. La petite en avait tellement envie. » « Je t'avais pourtant bien dit et répété de ne pas sortir quand je n'étais pas là. Tu n'as rien remarqué de changé ?»« Non, non, rien. » Harmony entendit comme un cliquetis et une exclamation s'ensuivit. « Tu as ouvert le coffre? Tu as pris la clé USB avant de sortir ?»« Non !» cria la femme de plus en plus apeurée. « Non, je n'ai rien touché ni pris. Personne n'est entré ici. »« Personne n'est entré. » Et cette foutue clé a disparu toute seule. Tu te fous de moi? Qui est cette femme? Tu l'as déjà vue? Tu la connais? Harmony n'entendit pas la réponse et prit ses jambes à son cou. Qu'avait-elle déclenché? Qui était réellement Jérémy? Un rat d'hôtel? Mais pourquoi une clé USB? Pourquoi pas de l'argent ou des bijoux? Un chercheur renommé comme lui ne pouvait en aucun cas être un vulgaire voleur. Elle ne comprenait pas. Comme une somnambule, elle fila vers le pont promenade et fit les 100 pas. Au bout d'un moment, calmée, elle s'allongea sur un transat et contempla la mer. « Il va falloir que nous ayons une conversation sérieuse ce soir, » se dit-elle. Mais alors, il lui faudrait aussi révéler pourquoi elle avait eu ce malaise. Pourquoi ne pas attendre après la visite de Madère? Pourquoi ne pas encore profiter un peu de cette vie si douce qu'elle n'avait jamais connue? Elle finit par s'endormir. Il était bien 17 heures lorsqu'elle s'éveilla. Elle avait faim. Le petit déjeuner était loin, et elle avait finalement récupéré de sa nuit blanche. Elle se sentait plutôt en forme. Puis ce qu'elle avait fait lui revint en tête. Elle espéra se tromper quant au comportement de cet homme qu'elle commençait à apprécier énormément. Si une pareille déception survenait en ce moment, elle ne saurait pas comment y faire face. Trop impliquée déjà par les sentiments qu'elle lui portait, elle ne voyait pas comment se comporter face à lui. Elle aussi avait caché une part de vérité, mais beaucoup moins grave qu'un vol. Cela la désolait. Elle retourna à sa suite, prit une nouvelle douche et s'habilla pour le soir. Un ensemble pantalon blanc en crêpe léger et élégant. Elle déambula dans le navire en attendant l'heure du repas. Sur une petite place décorée de verdure, un kiosque immaculé, dans lequel des musiciens jouaient des airs classiques en sourdine, l'arrêta. Elle s'installa et commanda un frullati à la fraise. Elle dégustait son breuvage lorsqu'elle vit passer Ronnie, presque devant elle. Il s'arrêta à quelques mètres pour discuter avec une jeune femme. Cette dernière devait avoir dans les 35 ans, et Harmonie se demanda qui était son amie. D'autant que la conversation n'avait pas l'air d'être très amicale. Quelques minutes, et la jeune femme planta là Ronnie, faisant demi-tour sans même se retourner. Harmonie vit la peine sur le visage du jeune homme. Ce dernier fit enfin volte-face et allait passer sans la voir quand elle le héla. Ron, appela-t-elle, bonjour. Le jeune garçon, étonné, se retourna et, la reconnaissant, vint vers elle. Bonjour, madame, allez-vous bien? Vous êtes-vous bien reposée? Je vais bien, merci. Ronnie, appelez-moi Harmonie, s'il vous plaît. J'ai traîné toute la journée, c'était relaxant. Et vous, cette visite? Excellente, superbe. Mon père est juste arrivé un peu en retard, comme d'habitude. Mais que peut-on demander à un chercheur qui est pratiquement tout le temps dans ses pensées? Répondit Ron, souriant à pleines dents. Eh oui, vous dînez avec vos amis ce soir? Non, ce soir je dîne avec vous et mon père. C'est ce qu'il vous a raconté? Aurais-je fait une bourde? Non, il m'a invité, mais a simplement oublié de me parler de vous. Pas étonnant, on ne le prenait pas mal. Il est souvent distrait. De plus, il est extrêmement fatigué en ce moment. Cette croisière lui fera le plus grand bien, et vous aussi. Si je ne suis pas indiscrète, où alliez-vous si vite? Juste voir une amie pour lui donner l'heure de notre rendez-vous au casino. Ici, j'ai le droit de jouer, pas comme aux USA. Et pourquoi donc? Parce qu'ici, avec mes 18 ans, je suis majeur. En Amérique ou au Canada, je dois attendre 21 ans. Je vais en profiter pour me décrocher un jackpot ce soir. Attention, Ron, si je puis me permettre, ne tombez pas dans le démon du jeu. Aucun danger, je vous rassure. J'ai 50 € et pas un sou de plus n'ira dans ce bel établissement. Je me sauve. À tout à l'heure. Il lui fit un petit signe amical de la main auquel elle répondit. Elle ne pourrait donc en aucun cas, dès ce soir, discuter avec Jérémy. Le lendemain était programmée la visite de Madère. Ils ne dîneraient certainement pas ensemble ce soir-là non plus, fatiguée qu'elle serait de cette grande escapade. D'ailleurs, dès le repas de ce soir terminé, ils iraient voir le spectacle de danse des ballets russes, et ensuite, elle prendrait congé de lui. Elle se leva, applaudit les musiciens qui s'inclinèrent en guise de remerciement, et revint sur ses pas. En levant la tête, elle eut la vague impression d'être observée. Elle scruta les alentours, mais ne vit rien de suspect. Je me fais des films maintenant. Bientôt, je vais voir des espions partout. Elle reprit le chemin du restaurant tout en contemplant le magnifique navire. Lorsqu'elle passa la porte vitrée, biseautée avec des motifs de fleurs et de feuilles de toute beauté, elle fut grandement étonnée de voir Jérémy déjà attablé. Il se leva, vint vers elle et, lui prenant la main, comme une espèce d'habitude désormais, la lui baisa. Elle ne la retira pas. Encore une fois, elle eut beau essayer de garder un semblant de contrôle, elle comprit à ce moment précis qu'elle en était tombée amoureuse et que la chute pourrait être encore plus rude. Ils prirent une entrée, une cassolette de fruits de mer, et comme plat principal, un pigeonneau petit pois nouveau. Le dessert fut composé de fruits exotiques. Ils parlèrent avec Ronnie de ses études de médecine, études qu'il comptait échanger contre de la recherche avec son père. Attends encore la fin de cette année, lui demanda Jérémy, et si vraiment tu changes d'avis l'année prochaine, je te prendrai en stage dans mon labo. Ok, mais je ne changerai pas d'avis. Nous sommes têtus et déterminés, nous les Emerson, fit-il en donnant une bonne bourrade à son père. La conversation se porta ensuite sur leur visite de Tenerife. Harmonie buvait leurs paroles et se sentait vraiment à l'aise en leur compagnie. Ils venaient pourtant d'une famille très aisée, avec une solide éducation culturelle, mais ils ne forçaient pas sur leur savoir, et c'était pour la jeune femme la preuve de leur délicatesse. Sitôt terminé le repas, ils se dirigèrent vers le théâtre. S'installant entre les deux hommes, Harmonie se prit à rêver. Cet homme aurait pu être son mari et Ron leur fils. Quelle belle perspective! Cependant, ce n'était pas le cas. Revenue sur terre, elle sentit autour de ses épaules le bras de Jérémy. J'ai l'impression que vous êtes ailleurs aujourd'hui. Aurais-je commis un impair hier ou ce soir? Oh non, pas du tout. Si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, dit-elle un peu tristement, je rêvais être ce que je ne suis pas et ne serai probablement jamais. Il voulut lui demander quelques explications, mais à ce moment précis, les lumières s'éteignirent et le rideau rouge s'ouvrit sur le présentateur. Il attendrait, mais avec tact, il saurait ce qu'elle avait voulu dire par là. Il resserra un peu son étreinte et, se penchant tout contre son oreille, lui déclara: Vous m'avez atrocement manqué toute la journée. Elle tourna la tête et leurs lèvres se joignirent. Un léger baiser fugace mais plein de promesses. Le spectacle sur un bateau de croisière ne dure que 45 minutes, mais elles sont intenses. Les troupes choisies avec soin recèlent de véritables artistes et leurs numéros sont très au point. Ils sortirent enchantés. Ronnie, qui regardait sa montre depuis bientôt un bon quart d'heure, dansait d'un pied sur l'autre. Tu as envie d'aller aux toilettes, mon garçon? Demanda Jérémy, faisant un clin d'œil à la jeune femme. Non, et tu le sais très bien. Je vais vous laisser, si vous le permettez. Bien entendu, fit Harmonie. Amuse-toi bien, mais je sais. Il se pencha, et avant qu'elle ne revienne de sa surprise, lui apposa un baiser sonore sur la joue. Bonne soirée, et soyez sages tous les deux. Elle se sauva en courant, avant que son père ne le gronde. Dévergondé, je ne l'ai pas élevé de cette façon, vous savez. Harmonie riait à gorge déployée. Que c'était bon. Il va falloir nous lever tôt demain. Je crois qu'il vaut mieux aller au lit de bonne heure, à moins que vous ne vouliez un dernier verre, si ma compagnie ne vous dérange pas trop. Votre compagnie me plaît beaucoup. Mais vous avez raison. Allons donc nous coucher. Elle comprit aussitôt son lapsus et se mit à rougir violemment. Jérémy éclata de rire à son tour. Vous en faites pas, j'ai très bien compris. Il la prit par le bras et ils rejoignirent bras dessus, bras dessous leurs suites respectives. Il l'embrassa encore aussi légèrement que la veille, lui laissant le choix d'aller plus loin ou pas. Elle le remercia et lui souhaita une belle nuit. Ils se donnèrent rendez-vous au restaurant à 9 heures pour prendre leur petit déjeuner. La navette du bateau devant les emmener au port à la demie.